je fais pas du yoga. Je fume la frappe à Yoda. Un 3 mec à Meda. Tu veux la photo, tu peux pas. T'inquiète, les frères, ils vont se refaire. Sans braquer, sans sortir le fer. C'est toujours mieux quand je peux le faire. Ça pue la rue fort. Je pense plus à ma vie quand sur bateau je navigue. Et heureusement que je suis gentil, que mon cœur est pas vide. Je roule un gros big et j'oublie tout quand je fais pas du yoga. Je fume la frappe à Yoda. Un 3 mec à Meda. Tu veux la photo, tu peux pas. Pas de vie comme un hater. Je vois tout comme un guetteur. Au studio, on est guetta. Oh shit, ça pue la mort dans le secteur. Je l'écoute plus, c'est qu'un menteur. Je dis que c'est une folle, mais il fait le bandeur. Elle a quitté comme un scooter. Ce slam pas des fouteux, des rappeurs. Je dis bonjour du pire au motard. Un lion dans le moteur. Ça se fume pour des dollars. Game over dans le secteur. Je dis bonjour du pire au motard. Un lion dans le moteur. Ça se fume pour des dollars. Game over dans le secteur. Tu veux me test, haha. Mental Guadalajara, haha. Tu me descends, mama. T'as pas de vie, pas de buzz, haha. La famille, c'est la famille. Entassée dans la gare. Maria veut qu'on se marie. Elle m'aimait quand j'étais pas riche. T'as le syndrome du tum-tum. Et tu fais le voyou. Nous c'est l'OM, nous c'est l'étoile sur le maillot. Je vais faire disque de rubis, comme Ray Mathieu. Je vis ma vie, j'ai pas tout dit. Y'a encore des trucs qui se passent. Je fume la frappe à Yoda. Un 3 mec à Meda. Tu veux la photo, tu peux pas. Pas de vie comme un hater. Je vois tout comme un guetteur. Au studio, on est guetta. Oh shit, ça pue la mort dans le secteur. Je l'écoute plus, c'est qu'un menteur. Je dis que c'est une folle, mais il fait le bandeur. Elle a quitté comme un scooter. Ce slam pas des fouteux, des rappeurs. Tu veux me test, haha. Mental, quoi dans la ha. Tu me descends, mama. T'as pas de vie, pas de buzz, ha. Tu veux me test, haha. Mental, quoi dans la ha. Tu me descends, mama. T'as pas de vie, pas de buzz, ha. We'll be right back.